tongo ya makambo imae Lise kobeta tongo ya makambo Meo, okangela galo pango soki poko eko kina zongite Mama, opomela gamwe na soki butu ya hidi na zongite Na kei kofonde la bulgo utajuti asilikaki Ako ya kokende libela o soki na landi miso ya bato Mufaso ni kumona fasi soki na landi miso ya bato Mama Meo, motete okumba momona lelo olingi obwaka Mama, tokwele makamino na edo kamatanga momona Na ete kofonde la bulgo yoto mesana bosoba nangai Ako ya kokende libela o soki na landi miso ya bato Mufaso ni kumona fasi soki na kufeli miso ya bato Mama Na epi bolingweza na kaloko na ndelike Simba kama kasino kite kokwe yao Meo, nikamata na salite mobali na bandi makangaite Mama, utana baby sa makambo mobali na nga soa rezo La baby sa confiance uta kanga na mobali Maba kuya zela wowe baby selinga bolingo Mama Libala liboso elengi lokola sukalie Eko marakatinga ilokola citron e Nasuka bololo lokola nivakino Selio, okangela nga monte mate bolingo na oposa esilite Mama, nakomi na pweka rene sikanga na melaka poison Otata pandela lisusu, sheri ozongela Kuro esiminga na nzoto, sheri ozongela On vit qu'une seule fois, sheri On vit qu'une seule fois, sheri Tongo ya makambo imae Lise kobeta tongo ya makambo Meo, okangela nga lopango soki poko eko kina zongite Mama, opomela nga mwina soki butu e indi na zongite Na kei kobonde la poligo utajeti ya silikaki Ako ya kokele libela o soki na landi miso ya bato Ufaso ni kumona mpasi soki na landi miso ya bato Mama Tete okumba momwana lelo olingi obwaka Mama, tokwale makamino na eto kamatanga momwana Na ete kobonde la bulingo yendo misana mbozo pananga Oko ya kokende libela o soki na landi miso ya bato Mufaso ni kumona mpasi soki na kufeli miso ya bato Mama Na epi bolingo ezala kalokola ndelike Makama kasino kite kokwe yao Meo, nikambata na salite mobali na nani makangaite Mama, utana baby sa makambo mobali na nga soa rezo Na baby sa confiance uta kanga na mobali Mabaku ya nzela ove, baby selinga bolingo Mama Libala liboso elengi lokola sukalie Eko manakatinga ilokola citron e Nasuka bololo lokola nivakino Selio, okangela nga monte mate bolingo na oposa esilite Mama, nakomina pweka rene sikanga na melaka poison Otata panela lisusu, sheri ozongela Kura esiminga na nzutu, sheri ozongela On vit qu'une seule fois, sheri On vit qu'une seule fois chérie Bolingo ya motema petit On vit qu'une seule fois chérie Bondele la ngai mobali On vit qu'une seule fois chérie On vit qu'une seule fois chérie Babotanga mpona ye On vit qu'une seule fois chérie Chérie bukane mikuwa On vit qu'une seule fois chérie Tango salite na mitoye On vit qu'une seule fois chérie Vito chérie. Mon lingo ya montema béni. On pique une seule fois chérie. Mon lele langa y mon bailo. On pique une seule fois chérie. On pique une seule fois chérie. Ma botanga mpona ye. On pique une seule fois chérie. Mouta ne mikuwa. On pique une seule fois chérie. Jambo saline na mino. On pique une seule fois chérie. On vit qu'une seule fois, she was the lama na tonda. On vit qu'une seule fois, she was the lama na tonda. On vit qu'une seule fois, she was the lama na tonda. On vit qu'une seule fois, she was the lama na mona kadima. On vit qu'une seule fois, she was the lama na mona masibi. On vit qu'une seule fois, she was the lama na kota kitoni. On vit qu'une seule fois, she was the lama na kota sise. On vit qu'une seule fois, she was the lama na Vatican. On vit qu'une seule fois, she was the lama na Kota. On vit qu'une seule fois.